Je suis sur une route comportant deux voies à sens unique. Cette borne donne une information précieuse. Je circule sur la N20, c'est-à-dire la nationale 20. Sur une autoroute, ce type de borne comporterait la lettre A à la place de la lettre N. Ici, pour les conducteurs confirmés, la vitesse est limitée à 110 km/h. Mais pour un débutant, elle est abaissée à 100 km/h. Réponse C.